Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Merci, merci, merci, merci. Merci, mon public. Merci. Mets un peu plus d'espace et puis comme ça. Ah, c'est merveilleux. On te voit mieux le visage. À la radio, ça passe mieux, hein, Mme Tremblay, d'après vous, là? Si j'avance le micro comme ça, parce que c'était pas prévu, là, je croyais que c'était numéro 1. Ben, moi, c'est numéro 2, OK. Ou ouais, numéro 3, derrière toi, aïe, donc, là, va-t'en numéro 3 en avant, là. Oui, mais il peut pas, il est troisième, OK. Excusez-moi, je me suis emporté. Il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un cheveu gras trempé dans une eau asséchée d'amour. Oh, oh, que l'amour tardera à passer. Il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un ragoûtant tripotant l'enfance des adolescentes innocentes. Il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un bijou précieux qui se cache derrière l'huître. Et le 9, ah non, le 9, c'était la semaine dernière qu'on l'avait tiré, le 9, hein, mais personne n'a crié « C'est moi qui ai gagné! » Donc, on a tiré le 17, le 43, le 52, le 37 et le 114. Puis là, à 114, c'est M. Thibodeau qui a dit « J'ai pas gagné! » On lui a donné. C'était le mot gagnant, c'était « J'ai pas gagné! » Parce que dans la société, on veut toujours gagner, on veut toujours avoir quelque chose. On tient à être les numéro un. Puis même lorsque on se trouve dernier, même si nous sommes derniers, on doit se féliciter. Pour ça, je suis contre les Olympiques. On demande aux Olympiens, Olympiens, Olympiennes, vous êtes ici vous chapeautez notre pays, vous chapeautez notre identité. Alors vous devez gagner. On vous octroie des bourses, de l'argent. Vous êtes notre pays. Si vous perdez, on vous accueillera quand même, sans nommer votre nom. Vous deviendrez des anonymes, des êtres à la recherche de vous même. Si un soir, dans l'obscurité singulière d'un oiseau volant autour de la guedille, que vous avez au nez, à force de pleurer et de chercher votre chemin, parce que vous avez perdu. Le peuple québécois ne se rappellera même pas de votre nom. Et juste pour ça, je suis contre les Olympiques. Parce que sincèrement, tout le monde a une place, tout le monde est champion. On ne sait pas si l'autre en arrière de nous, surtout en avant, parce que si on a perdu, on est en arrière, donc les autres, les trois premiers, n'ont pas apporté quelque chose pour leur avancement. Non, M. le juge, je ne veux pas ici insinuer qu'ils étaient dans une condition surnaturelle, quoique... Sort le surnaturel, il part au galop et il y gagne. Hein? Quand les chevaux sont partis, là, oh mon Dieu, il suffit de mettre quelque chose d'intéressant en avant, là, je ne sais pas, là, des millions de dollars. Est-ce que vous savez, Mme Tremblay, vous vous souvenez de Nirvana? Non, moi, c'est Joe Dassin. Oui, mais Nirvana. Je connais Mike Brown. Laisse-moi t'aimer pour une nuit. Laisse-moi. Toute une nuit, fais-la avec moi, le plus beau. Non, c'est pas lui, c'est Nirvana. Nirvana, c'est... Nirvana Thibodeau? Non, c'est le groupe Nirvana. Le groupe Nirvana. Kurt Cobain. Et, ben, je connais les céréales Raisin Bran. Non, Kurt Cobain. Okay. Ça me dit pas quelque chose, ça me dit absolument rien. Et, c'est quoi? C'est du crunch. Ah, mon Dieu, du crunch. Mais c'est, lorsque j'ai mangé ma céréale, il y avait un crunchy. Non, du crunch. Maman. Avec du lait, ça ramollit pas. C'est pas une matière mangeable. Oh mon Dieu. C'est pas mangeable, c'est pas goûtable, c'est rien. Mais il y a autre chose, il y a de la musique. Ah, oh, vous voulez parler de Dennis Roussos? Non, Nirvana, le groupe grunge. Non, Nevermind, pas du tout. Ben écoutez, je vais vous raconter la pochette. Ben, pas chez moi la pochette. En bandeau et la trottinette Vera, c'est un enfant, oui, qui court après un billet. Es-tu aux Olympiques, lui? Ben c'est ça, on lui a amené quelque chose, là, puis il va devenir numéro un parce qu'il y a de l'argent. Oh! Des commanditaires. Ah, mon Dieu! Alors, il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un bijou. Ça ne sert à rien et ceux qui les portent n'en ont pas besoin, moins besoin que n'importe qui. C'est de Marguerite Duras, extrait de son ouvrage « Un barrage contre le Pacifique ». Une belle introduction, ça. C'est merveilleux. Monsieur le Président. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, vous. Merci. C'est pas vraiment ça. Mais c'est ça, oh oui. Oh oui, nous sommes vainqueurs. Parfois, souvent sans rancune. Parce que nous avons trouvé l'un dans l'une et l'une dans l'autre. Ah, c'était quoi, ça? Mais c'est le chevauchement, c'est le renfermement, c'est les deux prises, là, le mâle et le mâle et la femelle. Lorsque j'ai un raccordement à faire, là, il y a le in et le out, le pit et le port, la pute et le pit, la pite et le pin, la pin et le pin, la poule et le poun. Et monsieur, dans le yacht, il y a une petite poutre, là. Non, on la connaît. Alors, monsieur le Président, on la connaît, celle-là, tu la radotes tout le temps, c'est comme Love Me Bamber. Tout le monde la connaît, Love Me Bamber. Saviez-vous que la chanson, comme d'habitude, parce que Love Me Bamber, c'est la chanson la plus... qui rapporte le plus de droits d'auteur en France. Love Me Tender, c'est qui? C'est comme d'habitude. Et qui a écrit comme d'habitude? Claude François! Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Ça se finit, ça finit pas, ça continue, ça commence. L'absurde, c'est pas vrai, bien, je vous le dis. Je vous le dis. Ne réfléchissez pas. Ne fléchissez pas les genoux. Ne vous agenouillez pas. Ne soyez pas des quadrupèdes. Car nous, bipèdes, pouvons voler vers l'infini. C'est beau. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Ce que vous écoutez, là, c'est la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision, attention, sous la supervision du docteur Mabuse. Oui, on le sait. OK, on peut pas le dire, hein, monsieur? Oui, on le sait. OK, on le sait, donc on doit pas... Oui, on le sait. OK. Alors, c'est quoi? C'est Anonymous Anonyma? L'Anonymous, l'Anonymous, Anonymous Anonyma? Ah, c'est ça, monsieur? Alors, c'est quoi? C'est Anonymous... Oh, non, non! Hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'enregistrement qui a viré sur le... sur le qui-vive. Lorsqu'il vire sur le qui-vive... Il faut le prendre au galop. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Aujourd'hui, le vendredi 5 octobre 2012, l'Errance, les Errances Rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Est-ce que je peux prendre mon souffle? On dirait que j'ai couru aux Olympiques. Dans les airs, on dirait que j'ai couru. J'ai couru après ma ligne de chance. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Ma ligne de chance, ma ligne de vie. Ma ligne de vie. Ma ligne de vie, c'est la ligne de vie. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Lâche le classique. Et c'est vrai, je suis très classique ce soir. M'avez-vous vu? Cravate à la bouche. Ceinturon à la main. Et menottes au poing. Je gravite ainsi les échelons de l'univers radiophonique. Et monsieur, moi, d'après mes auditions nocturnes, oui, je suis dans un, oui, dans un guet-apens. OK. Et je cherche le schnappant. Le schnappant? Le schnappant est parti par là, mais si vous le trouvez, ramenez-moi-le parce qu'il a volé mon schnicky. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les gens qui comprennent entre vous. Ah, ils comprennent entre nous. Entre nous. Entre vous, entre nous. L'entre nous, c'est ouais, c'est terminé. Là. Ils ont fermé les portes parce qu'on touchait. On touchait quoi? Au point sensible. Oh là là là là! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. C'est un bord de danseuse. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Comment ça? Moi, j'y vais jamais, moi. Je connais pas ça. Mais pourquoi tu l'as... Non, c'est une voix qui m'est arrivée là, vers le crâne et puis qui a descendu dans les yeux. Je pense que j'ai un zona intellectuel. Ça arrive à mon émission régulièrement. Ça fait des très bonnes prestations. OK. Et les enregistrements, normalement, sont captés parmi les auditions rénaldiennes. Sans montage. Oh, quand on monte pas? Quand on monte pas, on ment pas. Il n'y a pas de censure. Nous tenterons de nous arrêter avant de se dire plus tard, « Oh, là-dessus, je crois que je devrais mettre un silence. » Ça pourrait déranger. Mais là, actuellement, là, Mme Thibodeau, faites-vous-en pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Ah, oh, moi, je sais pas danser ça, le polka. Mais moi non plus. Alors, bref, après, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Clio. Non, c'est pas une chanteuse. Oh, je sais, excusez-moi, je l'ai dit la semaine dernière aussi. Est-ce que je peux... Mme Tremblay, oui. Est-ce que je peux me... Oui? C'est vrai, c'est Mme Tremblay. Mme Tremblay? Oui. OK, c'est mieux de même. Parce que Mme Tremblay est en dehors des... au cinéma, là, on appelle ça le chant, ça, c'est ça. Et le contre-chant. C'est ça. Alors, on m'entend dans le chant et on m'entend très peu dans le contre-chant. T'es dans le chant? Je suis dans le chant souvent. Et plus je le suis... Et mieux ça va pour Errance Rénaldienne. Hein? C'est, d'après vous? D'après moi, c'est de l'écho. De l'écho dans l'air? Non, c'est... oui, mais dans le fond du verre. Ah, et vous êtes dans le fond? Ah, je suis dans le fond. Il y a pas de... Reste-t-il encore un glaçon? Il est fondu. OK. Donc, la pointe me touche. Ah, vous êtes touché par... Oui, c'est comme l'escrime. OK, c'est l'épée. Oui, mais c'est... une glace. OK. Et cette glace? Oui. Êtes-vous psy? Non, je suis petit. Mais vous n'êtes pas psy? Mais non. Enfin, j'ai regardé dans mes certificats d'études. Là. Certificat, c'est quoi? C'est cégep, un psy? Non, c'est universitaire. Universitaire. Non, mais moi, c'est... Oui, j'ai un bac général. Ça fait rien, ça. Non, ça fait absolument rien. Absolument rien. Tu peux coller longtemps comme préposé à la caisse et coller derrière la caisse jusqu'à une vitam Pepperman. Donc, Clio, niche sous les toits de Paris, passe le plus clair de ses journées dans les théâtres, traînant un temps ses guêtres à l'école du cirque, prend souvent la ligne 13 en ce moment, déteste l'hiver, adore le camembert, porte régulièrement une casquette de Jules et Jim, migre l'été venu au Festival d'Avignon, aime les rencontres improbables, n'aime pas trop parler d'elle à la troisième personne. En juillet 2012, Errance Rinaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette habilleuse hors de l'ordinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Il faut s'arrêter ici pour entendre la musique. La belle musique. Moi, j'ai pas pu parce que je travaillais au Théâtre Marigny à ce moment-là, donc j'ai pu y aller quelques jours après. Donc j'ai vu la répétition et ensuite j'ai discuté avec lui. Tu as discuté avec lui ? Oui, mais j'avais déjà discuté quand j'allais le voir au Théâtre Héberto, quand j'avais à partir de 19 jusqu'à... Et c'est là que j'ai vu Galabru hier, c'est ça ? Galabru, oui. Oui, ok, j'étais là hier, pour la dernière. Ah, d'accord. La fête du boulanger. Il part en tournée après. Ah oui, je croyais qu'il avait pas la force. Si, ah, il ouais, part en tournée. Je sais de source. Ok. Est-ce qu'ils vont aller là-bas où tout le monde va, là? Voyons, le truc de théâtre en France, là, à... Avignon? Avignon? Oh non, je crois pas, non. Okay. Mais reviens à ton idole. Alors, à Terzieff, eh ben voilà, j'ai discuté avec lui à la fin, je l'ai attendu parce que... Mais ça m'avait vraiment fait... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu au théâtre, vraiment longtemps. Et cette pièce, c'est une pièce qui est extrêmement dure. En plus, c'est sur les derniers jours d'un acteur, comme tu le sais, acteur shakespearien. Mais j'ai trouvé... Enfin, ça m'a... Cette pièce m'a assez brisé le cœur, quoi. Ça m'a, je me suis dit que c'était la dernière fois que je le voyais, quoi. Parce qu'il était... C'était une espèce... Enfin, il était... C'était magnifique. Son jeu était magnifique. La pièce était magnifique. Les comédiens... Enfin, voilà. Mais c'était... Transcendait. Oui, non, et puis il était, enfin, tu sais, il était d'une telle maigreur et tout. Mais qu'est-ce qu'il y avait, non? Il est mort de... Je sais pas, un emphysème, okay. Un truc comme ça. Ok. Quelque chose comme mais ça. Mais rien de planifié, là, on savait pas, là. Non, bien sûr, mais bon, tu vois, je, ça se voyait qu'il était... Mais là, c'est quelques mois avant sa mort. Là. C'était... C'était son avant-dernière pièce, c'était au mois de février que je l'avais vu. Ensuite, il a joué encore une autre pièce. Il est mort au mois de juin, fin juin, je crois. Mais je crois que c'était l'année d'après. Ok, ok. Il me semble. Et oui, tu sentais fatiguée, c'est ça? C'est pas que je sentais fatiguée, que je voyais... Enfin, il n'était pas fatigué dans son jeu ni quoi que ce soit. Non. Mais il était, c'était un squelette, c'était devenu un squelette. Ouais. Et c'était... Il était d'une fragilité, tu le sentais d'une fragilité... jamais vu très gros non plus, je l'ai toujours vu. D'une... Non, non. Entre pas très gros, entre même très maigre. Ok, squelettique. Là, c'était, ça m'a assez saisi. Mais bon, c'était, c'est pas possible. Moi, le monde me plaît beaucoup moins sans la voix de Laurent Terzier. Quelle voix, hein? Je peux plus l'écouter, je peux plus tomber sur un de ses films, je peux plus regarder ses films. Mais tu sais que Samy Frey a la voix aussi. Hein? Trouves-tu que Samy Frey? Pas mal, ça me fait. Hein, on est dans les cordes. Pas mal. Pas est-ce mal. Que tu crois que c'est au même la je voix? Sais pas, je maîtrise beaucoup moins Samy Frey, mais c'est un, je trouve que c'est un. J'ai jamais vu au théâtre. Hein. Je trouve que c'est un très bon acteur, très beau. Et oui, c'est le prince. Truffaut, hein, dans les films de Truffaut, Samy Frey. Je sais pas si je l'ai vu dans un Truffaut. Ah, ok. Ok, mais c'est. Je n'ose pas donner les références que j'ai de Samy Frey. Récemment, j'ai revu Les Mariés de l'an 2, qui est pas un grand film. Je sais plus de qui c'est. Tu sais, c'est avec Belmondo et... Oui. Et, Les Mariés de... Les Mariés de l'an 2. C'est avec Belmondo et Marlène Jobert. Et lui, il joue... Ça, c'est les années 80. Non, c'est 70. Ah, ok. Ouais. Et lui, il joue le rôle d'un aristo. Et c'est un prince. Il est d'une beauté, d'une élégance. C'est... Oh. Ah oui, c'est... Oh, mais quelle voix, la voix. Donc, magnifique. Enfin, je veux dire, c'est un acteur magnifique. Ah. C'est clair. Mais non, mais en plus, il est très très beau. Donc voilà. Donc c'est. Salut à lui. Voilà, c'est. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo? C'est-à-dire la police secrète dans tous ces états? Ben, je sais pas! On se demande qui télécharge mes émissions. Parce que la semaine dernière, 112 individus, mâles ou femelles, ont capté dans leur ordinateur l'émission Errance Rénaldienne. Mais c'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas! Je vous le demande, madame. Je vous le demande, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, monsieur. Là, ici, maintenant, on sait pas ce que c'est. Qui est-il? Qui est-il? Hein? On s'en pose-tu des questions? Peut-être. Qui êtes-vous, monsieur? Un homme? Peut-être. Une femme? Peut-être. Un animal? Peut-être. Vous êtes un? Peut-être. C'est un peut-être. On n'a jamais vu ça. Alors, pour la première fois sur la planète, nous avons un? Peut-être. Peut-être. On a un peut-être. Qu'est-ce que ça fait un peut-être dans la vie? Ça travaille? Peut-être. Ça touche des chèques? Peut-être. Est-ce que ça travaille très fort? Peut-être. Vous marchez? Peut-être. Ben oui. Vous volez? Peut-être. Ça dépend des heures, hein? Peut-être. Il veut pas se divulguer, là. Vous avez peur qu'on vous juge? Peut-être. Oh oui, vous êtes un psychologue. Peut-être. Un psychiatre. Peut-être. Un psy. Ah, c'est un psy! Un psy! Peut-être. Ah, on l'a trouvé, c'est un psy. Un psy quoi? Un psychopathe? Peut-être. Ah! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est un psychopathe. Peut-être. Ben oui, mais c'est pas peut-être. C'est maintenant, on l'a trouvé. Monsieur Thibodeau, on va attendre, là, on va appeler. Allô, la police? Et monsieur, monsieur l'agent, vous êtes la réceptionniste, hein? Mais monsieur, êtes-vous un poulet? Vous faites égorger, monsieur, là? Bon, écoutez, monsieur, là, on a comme auditeur, au bout de la ligne, un très petit... Mais je vous dis, là, c'est pas un grand... Amenez juste une petite voiture, c'est un psychopathe. Oui, est-ce que je... Êtes-vous là, monsieur, là? Vous êtes une madame? Oui? Ben, il sait plus, mec. Il est perdu, fait comme un... OK. Eh, monsieur! OK. Je vais arrêter de dire ça parce que ça étourdit mon public. OK. Vous, ça vous dérange pas? Êtes-vous déjà étourdi? Si on vous a... Monsieur, si on vous a placé à la réception, c'est que vous avez fait un méfait? Ah! Vous pêchez maintenant? Non, c'est quoi? C'est votre... c'est pas une récompense, c'est l'inverse d'une récompense, là, hein, c'est ça? Non. Puis là, vous avez pas une formation de réceptionniste, hein? Ouais, oui. Vous venez de manger un poulet? Une bonne patate frite? Puis une boisson gazeuse 16 onces. Et vous digérez pas tout ça, là. Ça vous fait mal au cœur, là. Oh, j'aime ça. Êtes-vous en train de nous digérer en plein oreille, là? Mais c'est pas poli, madame, monsieur. C'est pas poli de manger du riz sur un tapis gris, là. Vous êtes pas sur un tapis gris, vous êtes à la réception, hein? Bon, on a un petit minou qui ronronne pas vraiment, là. mais qui nous dit que c'est un être étrange venu d'ailleurs, comme vous d'ailleurs. À cette émission-là, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal, puis on continue. Est-ce qu'on peut le faire sans que vous envoyiez 12 ambulances puis 3 chars de police? Non, excuse-moi, 3 voitures de police. Le char, c'est du québécisme. Et nous sommes écoutés partout. Partouze, partouze, partie, partout, partie, partout. Hey, on est-tu invité à une partouze, monsieur? Ah, mon Dieu, avec des policières, là. Oh, on aime ça comme ça. Ah, c'est OK. Hey, moi, j'ai 3 filles de rue à vous présenter. Ben, en fait, ils se tiennent sur le trottoir parce que dans la rue, vous lui avez donné 250 $ là, de, parce qu'elle faisait la rue. Puis là, je leur ai dit à ces filles-là, « Mes petites filles, écoutez-moi. Rénal, votre ami, vous dit de vous placer sur le trottoir. » Comme ça, si on vous dit que vous êtes une fille de rue, vous dites non, c'est pas vrai. Je suis une fille de trottoir. Hein, c'est... Ouais, mais non, j'ai dit trottoir. Trottoir, trottoir. Trottoir, trottoir noir. Trottoir noir. Êtes-vous là, monsieur? OK, merci. Alors là, ici, maintenant, on peut continuer l'émission? Envoyez 2 ambulances, on sait pas ce qui peut arriver, hein. Des ambulances, comment dire, comme des lits, là. C'est-à-dire, j'allais dire king size, mais XXL pour 3-4 personnes, parce qu'on est en pleine on fête ici. Oui, d'accord, merci. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Est-ce que c'est le moment? Non, on ne peut pas passer à la musique. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Puis un petit coin de cellule, là. Hein? Monsieur, avez-vous une place pour Bukowski? Oh, il est merveilleux! Je pense qu'il ne sait même pas ce qui se passe, là. Êtes-vous conscient? Je savais. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première... Oui. Une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Louis était au Red Pacock. P-A-C-O-K. Pawak. Louis, excusez-moi, j'essaie de lire, là, puis moi, les noms propres ou les noms d'entreprise, là, ça m'est très compliqué, comme la lecture en général. La lecture en général, ça me fait mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Louis était au Red Paddock. On va dire paddock. Okay, parce que ça me fait beaucoup plus intellectuel que je suis. Bref, on croirait entendre Bernard de tous les pivots. Donc, je termine ma phrase. Donc, je dois commencer par le début. Donc, je suis. Non, c'est « je pense, donc je suis ». OK. Louis était au Red Paddock et il avait la gueule de bois. Mais là, on voulait lui donner la gueule en plastique. Mais il n'a jamais voulu. Parce qu'il s'est dit la plastique s'use et le bois aussi. Mais là, il ne savait pas si un était plus usable rapidement que l'autre. J'ai dit usable. Mais à trop user, on cherchait la zuse. Non, l'use. L'usufruit, mais sans fruits. Là, il y avait juste des légumes. Ah, mon Dieu! Des légumes secs, des légumes mous, des légumes presque pas cuits, là. Des légumineuses? Des légumes, mais pas lumineuses. Des légumes sombres. C'était en haut, plus haut que ça, là, c'était le firmament. Ou la stratosphère. Je ne sais pas si le firmament est plus haut que la stratosphère. Je vais regarder dans mon dictionnaire. Excusez-moi, madame. On va regarder. Dictionnaire stratosphère. Stratos. S-T-A-R-A-R-O. On se prend pour des singes, hein? Rapidement, lorsqu'on tente de réfléchir, là, on monte. On monte dans l'arbre généalogique. On dit que on descend du singe, mais on monte rapidement en haut, hein? La banane! Il y a de la banane! Il y a de la banane, oui. Cherchez la banane et elle vous ouvrira des portes. Le chant des gens. Très, très rigolo. Qui me diront, sans doute, à trop éplucher, on sort des clichés. Yeah. suis une midinette, ouais, voilà, j'avoue. Non, mais j'ai très bon goût, mais je suis une midinette. Ok. Voilà, un peu. Mais j'essaie d'être intelligente un peu parfois. Ah oui, oui, mais écoute, on peut joindre les deux. Hein, ouais, voilà. L'adoration et la réflexion. Oui, voilà. J'essaie de compenser un petit peu. Là, c'était... Non, mais écoute. Et là, c'est en voyant, c'est en travaillant avec ces gens-là que tu avais déjà la piqûre, mais... C'est clair, mais j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais très très jeune et je savais ce qui me plaît. Mais tes parents n'avaient pas de formation théâtre? Non, pas du tout. Ok. Non. Mais qu'est-ce que faisait ton père? Mon père, il avait une entreprise qui vendait des vérandas. Ok, et ta mère était au foyer? Ma mère, elle travaillait avec lui, puis elle faisait des petits boulots de temps en temps. À Paris? En banlieue. Ok, à quel endroit? Non. Mais pourquoi les gens comme ça? Là? Oh, j'ai eu horreur de la banlieue du début à la fin. À quel endroit? Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Okay. C'était nul. Le seul truc bien, c'était que j'habitais pas loin de la bibliothèque. Et j'ai passé mon enfance, une partie de mon adolescence, à passer tout mon temps libre à la bibliothèque parce qu'il y avait que ça de valable. Mais qu'est-ce qui te plaît ici à Paris? Tout. C'est la vivacité, c'est la... C'est que j'avais... En fait, ma tante habitait bien juste derrière, rue de Lens, vraiment pas loin. Et maintenant, elle habite dans un autre quartier, enfin, un peu plus loin. Et depuis toute petite, moi, chaque fois que j'allais dormir chez elle et tout, c'était magique. Je veux dire, la vie de Chennevières-sur-Marne, où t'as absolument rien, t'as pas de vie culturelle, Ici, il y a quand même 3-4 théâtres. Mais là, t'as tout, quoi. Ouais. Je veux dire, c'était surtout à l'adolescence que je me suis rendu compte que j'avais l'impression que tout pouvait arriver à Paris. À Chennevières, non, c'est rien. À moi, en tout cas, tu vois, je veux dire, c'est... Après, je veux dire, on n'était pas dans un truc sordide ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais c'était juste... Au niveau artistique, c'était mort. Mais c'était pas juste au niveau artistique, quoi. Créatif. Il n'y avait rien. Rien pour moi. Okay. Il n'y avait vraiment rien pour moi. C'était pas ma place dans le monde. Et quand j'ai commencé... La fille ne rêvait pas dans ce milieu-là. Non. Okay. Et quand j'ai commencé à habiter à Paris... heureusement. Mm. Mais oui, c'était une consolation. Oui, hein, c'est bien. Quand j'ai commencé à habiter à Paris, j'ai commencé à... Tu avais quel âge? 18, 19? Non, 24. Oh, ok. Bah ouais. J'aurais bien aimé y habiter avant, mais j'ai pas pu. Mm. Bref, j'ai commencé à trouver un peu ma place dans le monde. Et quand j'ai commencé à faire la bieuse aussi... à devenir habilleuse, j'avais l'impression que les coulisses, c'était vraiment ma place dans le monde. Alors après, ça fait... je sais plus, ça fait longtemps maintenant que je fais ça. Mais du coup, ça s'estompe un peu, cette impression-là. Non, moins que ça, c'est vrai, t'as commencé à 28. Non, j'ai commencé plus tard que ça à être habilleuse. Non, mais à Euro. Hein? À Euro Disney? Non, à 27 ans j'ai fait l'école du cirque, j'ai commencé à 31 ans à être habilleuse. Ça fait un peu plus de 10 ans, donc du coup j'en suis un peu revenue parfois, mais là en ce moment non, ça se passe très bien, je suis dans un théâtre. Au Rond-Point? Non, je suis pas au Rond-Point. Tu veux pas le dire? Non, je suis à la Comédie Bastille, c'est un petit théâtre. Et, combien de places? Je sais pas, à peu près 200. Ok. Voilà, et bon... Toujours privé? Ouais, c'est privé. Ok. Et voilà, et je suis... Enfin, je m'organise comme je veux. Il y a des tas de gonzesses qui font les bigueules aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'âme seule, elles ont trop peur d'avaler la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chic en guerre, j'ai mon vrai de vrai, un homme affranchi. On n'a pas besoin de faire des manières, on s'a dans la peau et ça nous suffit. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un molle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut. Il m'arrive parfois quelques aventures, j'ai connu des hommes dans tous les milieux. Je suis un peu curieuse de nature, mais c'est encore lui, lui que j'aime le mieux. Il n'est pas rasé, tout son poil m'arrache, et quand il m'embrasse, il sent le tabac. Mais il me fait des tas de machines qui attachent, et je suis famée quand je suis dans ses bras. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. Voilà. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son tympan. Prendre des sous, il peut me filer des coups tant que je râle. Jamais. Il a des gros biscottos, oh oui. Mais c'est lui que j'ai dans la peau. Merci. C'est le mal qu'il me faut. C'est rien à gagner. Qui a trop gagné? Quand mon homme emballe une poule du grand monde, oui. S'il a du pétard avec le bourgeois, pour tirer son couteau de sa profonde, c'est lui, c'est le premier, lui qui a la loi. Il a l'estomac avec un tatouage, sous tatouage un point d'interrogation. Ça lui permettra, car il est volage, de faire lui aussi un peu d'aviation. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa cicatrice étalée sur son tympane. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, tant que je râle. Il a des gros biscottos, c'est bien lui le roi des barbeaux, mais c'est le mal qu'il me faut. Oui, on peut dire que c'est une chanson sur mesure pour les rangs rénaldiens. Il est un peu malade. Non, cinglé. Est-ce que le malade et le cinglé se croisent? Ben en fait, ils se côtoient. Et puis ils s'aiment? Ben en fait, ils se parlent. Ils discutent ensemble et ils arrivent à des conclusions discordantes. Ça veut dire ensemble? Discordantes, ça veut dire jamais pareil, rarement pareil. Mais! Oui! Juin! Oui! Juillet! Oui! Août! Septembre, c'est maintenant le mois de septembre. Septembre, lui, non, c'est octobre. Septembre, octobre, 5 octobre. Il se voit ça. Octobre. Monsieur, vas-y. J'y vais depuis minuit. Et quand l'écho nous envahit, nous voyons tous s'élancer le mois d'octobre. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Non. Oui, oui. Dites-moi, mon cher monsieur, vous êtes là, monsieur? Non. Bon, il n'est pas là. S'il n'est pas là, on ne lui parle pas. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, cette semaine. Et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Oui, merci, parce qu'on me demande de sortir, là. Hein? C'est ça? Ah, c'est l'autre. Ah, OK. C'est l'autre. Attendez, monsieur l'autre. Voilà, vous êtes calme, reposé, la mâchoire ouverte. À peine éclose, comme le wawaron. Le wawaron, là... C'est éclos. C'est très éclos. C'est ouvert. C'est très ouvert. C'est comme accueillant. Trop accueillant. Bref, c'est pas une prostituée. Non, c'est un reconstitué. Un reconstitué de toutes pièces. Par les miracles de la technologie. Un homme plus riche. Ben non, plus pauvre. Plus pauvre. Car il côtoie... Les prostituées. Alors, plus tu côtoies la prostituée et plus tu es pauvre. Ben... D'après moi, oui. D'après vous? Oui. Vous en êtes... Non. Et pourquoi? Oui. Okay. Cette semaine, c'est clair, cela, là. Madame Tremblay, est-ce que c'est plus clair que ça? Madame Tremblay? Madame Tremblay? C'est vous là-bas dans le noir? Attendez. Laissez-moi vous admirer. Et vous pleurez. Vous pleurez, Madame Tremblay? Mais dites-moi, c'est pas encore votre mâle en rut qui cherche à recruter de douces voluptés Madame Tremblay, vous devez le quitter. Vous devez vous envoler vers d'autres extravagances rénaldiennes. Réveillez-vous. Exclamez-vous. Devenez jolie hôtesse d'un soir, prêt à recevoir tant d'amour. Tant d'amour. Allô? Excusez-moi, nous étions. Cette semaine, nous étions quoi? Partis vers d'autres galaxies. Mais là, on revient dans l'axe. Pré-malaxé, radiophonique, c'est carélienne. Cette semaine, et monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette semaine, et ça, je crée pigment du concept, et plus on puise, plus on épuise, plus on cuise, plus on récluse. On récluse quoi? Je sais pas, là, nous marcherons, squeezerons, éplucherons des abeilles, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot calendrier. Le calendrier, normalement, c'est pas pour nous, les garçons. C'est plutôt pour les filles. Nous, on s'en balance d'être au mois de mars, décembre, octobre, janvier, février, même au mois de... Au mois de toi, mon amour. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis juxtaposé à ta réalité. Je te suis dans ta poursuite. Je suis en haut de l'au-delà. Bref, le halo, H-A-L-O, la rondelle, c'est moi. S'il vous plaît, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures. Tu pleures devant ton calendrier. Quoi? Nous aurons un enfant, mon amour. C'est beau, hein? C'est du Gershwin. Mais non, c'est du Shakespeare. C'est du Molière. Comme disait Molière, il va le dire. Il va le dire, c'est son préféré. Mais ça vient de moi. OK, vas-y. Rénal Gagné a déjà balancé il y a quelques années et encore aujourd'hui. Molière dure aujourd'hui. Alors, calendrier. Oui. Attends, là, tu m'as débalancé dans mon calendrier. Une vraie femme. Ben oui. J'étais dû, mais je n'ai pas amené à échéance. Suis-je enceinte de toi, mon amour? Devrais-je nous laisser dans cette aventure qui nous amènera vers cet enfant qui naîtra après 9 mois d'effervescence et d'animation rénaldienne. Je veux être ton micro, Armando, devant mon nombril, divulgue-lui des rigolades. Le chat, rouen, le chien, ouf, ouf, la brebis, puis le poisson. Oui, mais mon amour, oui. Tu étais plus extravagant devant un micro. Mais devant un nombril, je sais pas. Moi, je sais pas trop quoi faire, là, t'as peu. Roger. Hey, on va l'appeler Roger. Arrête! Comment ça, Roger, c'est beau. Ça peut être une aventure. Une aventure, Roger? Ben oui. On pourrait relancer la mode Roger. Oui, mais en 80, en 70, les Rogers. OK. Les Didier, ah, ça fait trop français. Alexandre, ah, mon Dieu, ça fait trop grand. Ah, Alexandre le Grand, trop grand, c'est bon, c'est bon. Rénald, ça fait errant. Oui, mon Dieu. On va l'appeler Inc. Ah, c'est beau, ça. Inc. Imagine le professeur à l'école dire, nous avons Mimosa le Mieux, Alexandre le Jean, et nous avons Inc. Gagné. Ben, moi, j'aimerais bien avoir mon nom aussi. Inc. Gagné Paradis. Ben, voilà. Inc. Gagné Paradis. C'est pas très gagnant, ça. Ben, il fera pas carrière dans la chanson, dans aucun milieu artistique. Il sera confronté à une caisse enregistreuse jusqu'à la fin de sa vie. Thank you. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul dans le noir, devant son miroir à paillettes? Tout le monde est parti, j'aime pas te voir comme ça. Tu devrais pas rester ici. Gunther, écoute-moi, y'a plus rien à faire. Va donc prendre un verre chez Denise, qui a fait mille fois le tour, la piste aux étoiles, par amour et pour peau de balle. Gunther, last ich träume von alten Zeit. Ce soir, je comprends plus rien à rien. Trapéziste, elle risquait sa vie pour quelques bravos qui l'ont jetée en bas du chapiteau. Ne pense plus à ça. Tu te fais du mal. La vie, c'est toujours la même chose. Le grand carnaval autour d'une rose qui se fane entre tes doigts. Gunther, reste pas là. Lass mich träumen von alten Zeiten. Ce soir, je déteste mon boulot. Trapéziste, elle a joué sa vie pour quelques bravos qui l'ont jeté en bas. Du haut des gradins, un homme se souvient. Monsieur, éteignez votre cigarette. Il prend son manteau, remet son chapeau et s'en va sans dire un mot. Laura, Laura, das Leben geht vorbei, bye. Laura, Laura, bye. Das Leben geht vorbei. Laura. Das Leben geht vorbei, Lorelei. Les congés dimanche lundi, c'est parce qu'il n'y a pas de théâtre le dimanche et le lundi. Voilà, enfin, okay. Ici, il y a certaines pièces qui jouent le dimanche, mais là, on ne joue pas le dimanche. Et c'est une pièce qui est vraiment fatigante pour les comédiens et pour moi aussi. Et qui s'appelle? Qui s'appelle Merci pour tout. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai dû voir les affiches, il y a des affiches partout. Est-ce que c'est une boîte? C'est une affiche sombre. Attends, je sais même plus ce qu'il y a sur l'affiche. Ah, voir si j'aurais peut-être pu aller voir. Tu restes jusqu'à quand? Ah non, je m'en vais samedi. Non, mais parce que j'ai une pièce de théâtre aujourd'hui. Ouais. Je vais voir Colors au petit gymnase ouais. Ce soir. Ouais. Puis ça m'a pas l'air être trop... En as-tu entendu parler? Non. OK. Je l'ai pris parce que c'était pas cher et c'est de l'improvisation théâtrale. Mais je sais pas si... Parce que le titre est en anglais, je sais pas si c'est bilingue. Enfin, je sais pas du tout, moi, ouais, j'en ai pas entendu parler. Et là, je vais voir la dernière. Hier, j'ai vu une dernière. Et demain, je vais voir deux pièces de théâtre. Je peux pas dire lesquelles parce que j'ai pas les titres. Mm-hmm. Mais l'année prochaine, je me réserve. Parce que ça fonctionne l'été aussi chez vous, hein? Ouais. OK. Parce que beaucoup d'endroits, on diffuse rien l'été. Oui, voilà. Et du coup, quand tu... Mais oui, mais là, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce théâtre. OK. Ouais, ça fait combien de temps? Oui, ça fait que je travaille assez régulièrement dans ce théâtre. Donc, mais oui, est-ce que tu es réembauché à chaque fois ou tu es extrait au théâtre? C'est terminé? Non, non, non, je suis intermittente, donc je travaille pour eux quand il y a besoin de quelqu'un. Ok, sinon tu fais du cinéma, tu fais du théâtre? Bah, là, je fais de la figuration. De temps en temps, je travaille quand je peux dans d'autres théâtres, en banlieue surtout. Ok. Voilà. En banlieue, il faut quand même que ce soit accessible en métro. Oui, mais généralement, je m'arrange pour me faire accompagner le soir parce qu'à Saint-Cyr, l'école, il n'y a rien. Non, non, c'est assez... Mais, non, non, mais j'aime bien parce que du coup, je travaille pas dans beaucoup de théâtre en ce moment, mais okay. C'est des endroits dans lesquels je me sens bien, où les gens sont gentils, et ça, c'est super important. Est-ce que c'est stressant ne pas savoir quoi faire? OK, vas-y, vas-y. Attends, non, non, non, je l'ai pas. Non, non, mais non, elle répond, je couperai. Vas-y. Non, non, t'inquiète. Non, non, ça va. Je rappelle mon prêt. Non, mais t'aurais pu l'attendre. Mais non, mais ça va. OK. T'inquiète. OK. Mais c'est pas stressant pour savoir ce qui va t'arriver. Bah non, mais c'est un peu mon moteur. De pas savoir ce qui va m'arriver. Ah, c'est ce qui te plaît? Ouais. Après, je veux dire, c'est vrai que c'est pas forcément toujours confortable, mais bon, là, depuis que je travaille dans ce théâtre, c'est... Ça me permet d'avoir quand même un certain nombre d'heures assurées et tout ça, donc du coup c'est plus confortable. Mais après, justement, c'est pas chaque jour, c'est pas le saut dans l'inconnu, mais presque. La routine me tue, moi. Je peux pas. Tu peux pas savoir que le lundi, mardi, mercredi, tu vas faire de 15. Si, non, mais quand tu travailles dans un théâtre, c'est mais qu'il y a quand même quelque chose. Tu sais jamais ce que tu as un beau théâtre. Oui, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose au bout d'un moment d'assez répétitif. Ouais, mais si le costume brise, exemple. Oui, voilà. Enfin. Oui, mais bon, ça, normalement, c'est à moi de faire en sorte que ça se casse pas, de vérifier. Je m'assurer clair qu'il ne ferme plus. Oui, non, mais je veux dire, ça peut toujours arriver, surtout quand les comédiens s'habillent des habits super vite. Ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de truc. Mais bon, après, il faut improviser en un millième de seconde pour faire en sorte que le public ne se rende compte de rien. Arrive à Drac. Check la pancarte. Saute la traque, tête à queue fac, par du miclac. Arrive au lac, plus de lac. Vire de bord, plus de bord. Bienvenue à Coulou-Coulou, activité pour tous les goûts. Game de bowling à cathédrale, son à bon mandaréal. Menou, ma volonté, Sébastien Bach au piano bar, une petite salsa muy picante, je crée bien, je vais aller y montrer les accords. Si t'as de l'argent, ça coûte une pièce, sans ça, tu m'appelles dans le cash. À grand coup de marteau dans le cochon, le petit bonhomme veut des bonbons. À Coulou-Coulou, la vie est une tombola. Pour des gnégnés, cherche pas personne. Ici, madame, y'a rien que du fun. Des gogo boys ultra charmants qui font le lit, qui crissent le camp. On a essayé le tunnel d'amour, fan noir comme dans le cul d'un ours. Stimo cola, brou dans le toupette, on est sorti trempant la vette. Allez, loulou, absolu, Hawaii, Hawaii. À Coulou-Coulou, la vie est une tombola. Une peine d'amour, c'est pas surprenant, y a tellement de beau monde ici dedans. Les veines coupées, pas d'importance, ils payent le champagne à l'urgence. Des cimetières climatisés pour les bobos piqués longtemps. Un paradis privatisé pour l'assassin du président. Tant qu'il y aura des fruits, il y aura de l'alcool. Puis tant que je serai en vie, il y aura des années folles. À Coulou-Coulou, la vie est une tombola. Une graine d'ennui, crinque le petit joint. Avec ça, t'es super hard, t'as rien. Ça, ça a poussé dans le tour de bras du Dalai Lama. Quand il n'y en a plus, tu grimpes en l'air sur une grande bâtisse d'un mille de haut, tu te crisses en bas, t'es la première sur 3000 tonnes de marshmallow. Oh yeah! Winchester confetti, je te tire en l'air, je t'aime en titi. La bombe est smooth, ça revole partout à Coulou-Coulou. La vie est une tombola. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Coulou-Coulou, au Boomtown Café. Je vous souhaite de passer une agréable veillée avec mes chansons. Et je vous souhaite surtout, surtout, du succès dans vos amours. Jusqu'à la fin de la nuit, le soleil s'est couché dans toutes les télés d'Amérique. Les chars ne bougent plus, les gens non plus, comme dans un grand rêve électrique. Le délivreur de bière remonte la rue dans le sens contraire. Pousse le matou dehors, c'est ta soeur que tu sors. Laisse tout ça là, viens voir le monde veut te voir. Un peu d'amour, ça te fera pas tort. Laisse une lampe allumée, le voleur pourra s'enfarger. Oh, bienvenue au Boomtown Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, c'est bien mieux de retourner à l'âge dehors. Y'a une grosse tempête de neige. Y'en a qui disent que le bonheur c'est comme l'avenir, c'est pour plus tard. Ils disent encore, parle pas trop fort, serre ta guitare, on pourra penser que t'es pas mort. En attendant, face à face, on chauffe l'enfer à petite misère. Mais moi je te désire toujours si désirable. On a mis la musique à table, du petit vin fou, puis des baisers partout, partout. Je t'invite à venir dans la fourrure de cette nuit. Oh, bienvenue au Boomtown Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, c'est bien mieux de retourner à l'âge dehors. Y'a une grosse tempête de neige. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-d t'attends 5h moins 5 et puis 5h moins 4 et puis t'attends plus rien que la lumière vague. T'attends dans les murs blancs de ton appartement, t'attends le miracle qui téléphone. Allô, allô, mon nom c'est King Kong, passez-moi par son. T'attends comme un chien qui fait rien, t'attends que le vent vire de bord, t'attends qu'il bosse et puis ça bosse encore. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait-tu un char ou ben non, si on achète un petit? Les chars sont petits, les petits sont rares. Comment ça, il manque de magie dans notre couple? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Comment ça, disparaître? T'attends la romance promise qui va venir un soir te baiser le cou. T'attends qu'elle vienne et qu'elle te dise « Je t'ai cherché partout ». T'attends ton tour et puis t'attends ton check. T'attends le jour de te mettre avec. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait, là? 5-5-5-1-2-1-2, toi et moi, c'est merveilleux. Avoir une grosse job, c'est comme fumer un joint. Plus tu têtes, plus tu vas loin. Tu me suis-tu, là? T'attends, peux-tu, sais plus c'est quoi la cause encore? Pourquoi que tu iras voir dehors? Y a-tu quelqu'un qui t'attend au détour pour une raison ou pour l'amour? T'attends tout le temps, puis tu te fatigues à te demander à chaque coin de rue, suis-tu un homme libre ou bien un bon perdu? Suis-tu un homme libre ou bien un bon perdu? M'a mettre un homme là-dessus. Avec ma face de game over, le cordon du cœur traîne dans ce lodge. Ça me prend un ticket chose, OK pompier, ça fait que suce ma hausse. Down, down, centre vide, l'espoir est une maladie. Le docteur avait de faux papiers, il dit je te paye une ride au paradis. Allez au ciel, j'suis un peu sceptique. J'm'en vais aller là quand j'aurai su que c'est que le bon Dieu y a contre l'Afrique. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. Y'a tellement de police, mes amis, ça va prendre des bandits ben vides. M'en faire rouler l'économie, m'en faire fronter de la dynamite. Le gérant de banque, pas de bonne humeur, no way qui dit t'as passé du. On t'a envoyé notre collecteur, tu peux-tu me dire qu'est-ce qui est devenu? Pour moi, il s'est fait manger par la souffleuse ou par le gars de l'autre bord de la rue. Toute cette affaire est nébuleuse. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. On est monté à Outremont, eux les gratte-ciels, nous les gratteux. Nous expliquer qu'il n'y a pas de honte à s'amuser avec son péteux. On a essayé par tous les trous, il n'y a rien à faire, sont trop blasés. On va essayer le tout pour le tout, on va les sodomiser. Ils se pensent couverts par l'assurance, mais entre nous autres, ils vont être déçus. Y aura pas de perte de jouissance. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. J'ai le sentiment de rater ma vie. Même mon chien, il a fait faillite. M'a voir un gars qui a réussi. Condo le jour, condo la nuit. Il dit, je frotte ma femme et je flatte mon char. J'aime mon pays, mon voisin, je l'ai. Je l'écoute en me disant, Richard, une chance la drogue te sauve la vie. C'est-tu pour ça que les gens s'honnêtent, qui suivent la loi, le nez dans le cul, ils rentrent dedans pour disparaître. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. J'suis-tu madame les poupées pampardues. De journaux à potins. Là. Voilà. OK, non, mais rapidement. Vas-y. Alors, je vois si je peux répondre. Oui, mais les gens qui t'ont, impressionné, mais du côté positif. Dans ce milieu? Oui. Laurent Terzieff. OK. Daniel Mesvich. Michel okay. Bouquet. Michel Bouquet, oui. J'ai eu la chance de travailler avec lui, c'était magique. OK. Est-ce que c'est aussi enrichissant de l'écouter derrière la scène? Attends, j'ai rien entendu. Comment? Est-ce que c'est intéressant d'écouter ces gens-là parler avant? Ils ont des connaissances assez extraordinaires. C'est... Quand j'étais... Donc, je travaillais à ce moment-là assez souvent au Théâtre Héberto. Et Michel Bouquet jouait le roi Summer, d'ailleurs, qui reprend prochainement, il me semble. Oui, mais qui a annulé. Pourquoi? Parce qu'il était souffrant. Hein? Oh, non, mais il y a quelques mois... Il a déjà annulé, c'est ça? Je sais pas. Ok, oui. Ben, tu feras une recherche sur Gargoyle. Et du coup, donc, je préparais les costumes, je l'aidais en loge à s'habiller un petit peu. Les trois premiers jours, j'étais... Admirative ou figée? J'étais liquide. Ok. Michel Bouquet. Oui. Michel Bouquet. Et en fait, il était très gentil avec moi, mais c'est pas quelqu'un... Mais il voyait aussi que t'étais sans doute... Je pense. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est vraiment empreint de gravité, tu vois. Je veux dire, il peut être agréable et tout, mais c'est pas quelqu'un... D'ailleurs, quand je parle de lui, je dis jamais Michel. Je dis Bouquet ou Michel Bouquet, quoi. C'est quoi? Ben, tu l'appelles comment? Michel Bouquet ou okay. Bouquet. Voilà, quand j'étais... Je l'appelais pas, quoi, tu okay. vois, quand j'étais, okay. J'étais en loge avec lui. Et voilà, on arrivait à avoir des petites conversations. Mais ce qui était intéressant, c'est que Il n'arrivait pas en scène tout de suite. Il y avait un petit prologue avant que lui rentre sur scène. Les costumes étaient d'une beauté absolument inimaginable. C'était les, je pense, les costumes de théâtre que j'ai préférés de toute ma vie. Ça a été une espèce de choc esthétique quand je les ai vus. Enfin, je l'avais dit à la costumière d'ailleurs. Ils étaient somptueux et complètement râpés. Et c'était absolument parfait pour la pièce. Ça m'a beaucoup plu. Bref, Michel Bouquet arrivait un peu en avance. Il s'asseyait sur un petit banc et nous parlait de Louis Jouvet. Ah oui. Jouvet, ah, ouais, mes premières amours de théâtre, oui, quand j'avais 17 ans. J'ai un CD audio avec Jouvet qui... J'en ai tu l'as aussi. Ah, mais c'est le même. Avec, il dit, je crois qu'il dit l'Estance de la Marquise. Oui, il y a du Racine. Oui, il dit aussi du Giraudoux avec Dominique Blanchard. Ah, ben on a le même. Ça, je l'avais quand j'étais très, très jeune. Ah, c'est bon. La voix de Jouvet dans les bas-fonds, dans les films de 1, c'est spontané. Hein. C'est, ça ne s'invente pas. C'est un homme qui était fait pour ça. Puis... Ouais. Bah, au départ, il était quand même pharmacien, asthmatique. Oui. Et voilà. Ouais. Et non, je vais. Oh là là. Et les gens qui t'ont déçu? Dans ce milieu-là? Déçu? Je veux dire, des gens que j'admirais énormément et qui m'ont déçu? Ouais. Non? Non, ok. Non? Les gens que j'admirais énormément ne m'ont pas déçu. Ok. Après, je suis tombée sur des abrutis aussi. Hein. Okay, non, on mais ce n'était pas des gens que j'admirais. Donc. Ok, donc ils étaient l'image que tu t'en faisais. Là. C'était pas. Donc, tu n'étais pas tombée de haut. Non, okay. Non, je suis jamais tombée de haut par rapport à mes idoles, enfin, aux gens que j'admire. As-tu déjà travaillé avec Belmondo? Non. Count on me! dehors des petites villes, des petits villages, il y a comme un chemin qu'on voit quand on a l'âge pour. Quand le motel est trop cher, puis le père puis la mère bloquent la maison, ça prend de place. À Rimouski, ça s'appelle la côte à cœur, que je me suis informé. Dans le bout de grand-mère, je pense que c'est le rang des fesses. Par chez nous, c'est un nom plus romantique que ça. Nous autres, c'est par les, ça, le chemin de la dompe. Alors, c'est le temps, c'est ainsi de l'année, un beau printemps qui s'en vient comme aujourd'hui. Je ne peux pas faire autrement que ressortir une vieille chanson que j'ai composée avec qui j'ai travaillé pour le groupe Abitibi, ici présent, pour le tour. Un beau grand slow. L'hiver s'en va, c'est dur à croire, mais on ne passe à travers. La terre dégèle, les filles sont belles dans l'hôtel, il fait chaud. Y'en a qui se promènent avec une petite chaîne en or des mains, pis d'autres un peu moins chanceux avec un couteau. Oh, j'y vas-tu ben non si j'y vas pas? Le calet d'un coup sec, son double thé qu'il a. Il a traversé toutes les danseurs, puis il est allé y demander. Viens-tu danser? Un beau grand slow. Plus plate qu'une vue d'horreur d'une ville fantôme. Un peu plus tard, ils sont allés sur le chemin de la dompe. C'était un de ces soirs si doux que tout va jusqu'au bout. Il a remercié la lune de rouler en station. Assez collé sur lui. Dans ces cas-là, une étincelle suffit. Tout comme le feu qui pogne dans le foin et puis qui brûle la grange. Ils ont baissé le siège. Il a demandé c'est quoi ton nom? Oh! Thank you. que tu fais ici? Thank you. C'est vrai que c'est récent, donc il y a 10 ans, il était malade déjà. Oui, voilà. Donc, et puis il a pas fait trop de théâtre, finalement. Mais il a pas fait... Il a fait Keane, mais il y a très très longtemps. Non, mais Don Juan ou quelque chose du genre. Je sais pas. Un Molière. Ah, peut-être, je sais pas. Oui, je connais pas tellement. J'ai 10 questions. Oh là, vas-y. Les 10 questions de la fin. Mm-hmm. Et tu peux soit y réfléchir ou répondre comme tu le ressens. Si tu étais, je les sais presque par cœur, si tu étais un liquide. Là maintenant tout de suite, de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai des envies de piscine en ce moment et je suis retournée à la piscine. Ah oui, tu en parles souvent? Ouais, bah ouais, et ça fait tellement du bien de nager, d'être dans l'eau, c'est tu te sens libre. C'est ton côté sirène? Voilà, ça doit être ça. Ben, oh, tu m'as pas vu nager, hein? Pourquoi? Ça fait moins sirène? Ça fait moins sirène. C'est moins gracieux, toi qui es une fille de cirque, donc... Qui une... Oui, non, enfin, je barbote. Ah, tu barbotes, ok. Non, enfin, je nage, mais je nage pas bien. Ok, mais t'as pas peur de l'eau? Non. Ok, tu peux te trouver dans une piscine creuse et dans de l'eau. Non, oui, non, ça va, okay. Si j'ai pas bien, je crie pas. Ok, oui, c'est ça. Si tu étais une ville? Paris. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le côté effervescent. Parce que c'est ma ville, parce que c'est... Même si t'es pas parisienne? Oui, enfin, ça fait un moment quand même. Mmh. Mais oui, enfin, j'ai toujours été parisienne de cœur ou je sais pas quoi. Non, je peux pas vivre ailleurs. Est-ce que tu voyages souvent? Non, pas tellement. Enfin, quand je faisais des tournées, je voyageais. Des tournées de tournées théâtre. Ok. Mais j'ai voyagé beaucoup en France. En France. Ouais. Ok. Avec quelle pièce? Oh, avec. La première tournée que j'ai faite, c'était une pièce avec Roland Giraud. Ah oui, ouais. Incroyable. Hein, ouais. Ouais. Et on a fait une tournée de 6 mois et demi. Donc on a beaucoup voyagé en France, un peu en Suisse, un peu en Belgique. On est même allé en Corse. Bon, c'est la France, certes, mm-hmm, mais bon, mm-hmm, c'est quand même particulier. Oui. Et c'est beau, la Corse. Et puis, sinon, j'ai fait d'autres pièces aussi. Si je me rappelle plus le titre des pièces lesquelles j'ai tourné. Oui, moi aussi, je suis Catherine Deneuve. C'était une pièce magnifique. C'était mise en scène par. C'est une comédie. Non. C'était une pièce de Pierre Note et c'était Jean-Claude Cotillard, le papa de Marion, qui faisait la mise en scène. Okay. Et c'est quelqu'un d'absolument adorable et tout. Et de très très gentil et très intéressant. Mais je comprends pas pourquoi on filme rarement les pièces de théâtre pour les conserver. Hein. Pour certains comédiens, c'était un parti pris justement pour Terzieff. Il voulait pas qu'il y ait de. Il disait que c'était quelque chose. D'éphémère. Oui, voilà. Alors tu es là pendant l'instant si. Voilà, mais bon, après il y a eu quelques captations de ces pièces, heureusement, dont L'Habilleur notamment, oui, que j'ai et que je ne peux pas regarder, puisque je ne peux plus regarder. Quand je tombe sur un film avec Terzieff, j'ai le ventre qui se serre. Non, je suis au bord des larmes au bout de 2 minutes, donc c'est. Donc j'arrête. Parce que c'est les souvenirs. Oui, c'est trop triste, c'est trop triste. Enfin bon, voilà. Si tu étais une langue. Une langue? Moi, je sais pas, j'aime bien le français quand même. Pourquoi? Pour la. Bonjour. Je sais pas, c'est depuis que j'ai commencé à essayer d'écrire un petit peu, je me réintègre. Ah, t'as 80. Non, t'as 63 chroniques dans le. Non, 27. Ah oui? Pas 63. Es-tu certaine? Oui. Ok. J'en ai 27 publiés. Ok. Et récemment, ils ont refusé 3, dont un des meilleurs textes que j'ai écrit et je. Mais tu peux le publier ailleurs, non? Ben oui, mais c'est difficile. Thank you.